C'est mon aspiration suprême. C'est toujours fascinant de voir à quel point l'esprit dirige entre les chants et l'enseignement. Ce qu'on chante précède l'enseignement de très belle façon à chaque fois. Fait qu'on est dans 1 Timothée 3 ce matin. Dans la continuité, Gilles, la semaine passée, nous a parlé d'avoir bonne conscience devant Dieu dans la prière et dans le comportement des femmes en particulier. Merci Gilles d'avoir pris cette balle-là parce que moi, ça m'aurait gêné d'enseigner ça. Bref, on est ce matin dans 1 Timothée 3 qui pointe spécifiquement sur le rôle des évêques. Les évêques vont tout de suite établir qu'on parle d'évêques, de pasteurs, d'anciens. Donc, un rôle de responsabilité, un rôle de leadership. Et puis, le rôle des diacres. Donc, ceux qui prennent en charge, en fait, diacre, c'est servir dans l'action. Donc, ils prennent en charge certaines responsabilités dans le contexte de l'Église. Comme passage d'introduction, je vous propose d'utiliser un passage dans Galates, juste pour mettre la table sur la finalité, où je m'en vais avec ce que j'ai vu dans le texte en préparant l'enseignement. Donc, je suis dans Galates 3, 24 à 28. Ça dit ainsi, ça commence par ainsi. Ainsi, la loi a été comme un pédagogue pour nous conduire à Christ, afin que nous fussions justifiés par la foi. La foi étant venue, nous ne sommes plus sous ce pédagogue, car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. Pourquoi je prends ce passage-là? Le lien n'est peut-être pas tout à fait évident à prime abord, mais en fait, c'est que ici, on parle de foi, on parle de loi. Il y a comme une mise en opposition entre la loi et la foi. Et puis, ça parle qu'on est un en Christ. Puis en fait, c'est là où je vous propose d'aller ce matin. Parce que le texte de 1 Timothée 3, on pourrait l'interpréter facilement comme une loi, comme une série de critères d'évaluation, un examen de passage. Mais en fait, dans ces deux rôles-là, bien qu'il y a effectivement dans le texte des éléments pour bien comprendre ce qu'on doit observer dans ceux qui jouent ces deux rôles-là, dans Galates, ça dit « on est un en Christ ». Donc, à quelque part, je vous propose d'aller un petit peu plus en profondeur dans le texte. En fait, la question que je vous poserais, c'est dans votre cœur, est-ce que vous aspirez à remplir les critères d'être un enfant de Dieu, à faire, on aime ça, hein, tu sais, ça c'est fait, ouais, checkbox, exactement. On aime ça cocher sur une feuille, des critères. Est-ce que vous aspirez à ça, ou est-ce que plutôt, puis c'est là où je m'en vais, vous aspirez l'accomplissement de l'œuvre excellente de Dieu dans votre vie? Dans votre vie, dans votre participation à l'Église de Christ, au corps de Christ, et évidemment dans l'organisation de l'Église. Fait que c'est un peu ça, ces éléments-là que je vous propose de creuser avec le texte. Puis pour imaginer la chose, déjà d'entrée de jeu, est-ce que vous cuisinez? Hein? Moi, je vous l'avoue, je ne cuisine pas tant, mon épouse étant tellement bonne à faire cette tâche. Mais en fait, je préparais l'enseignement, puis je pensais à Naïva qui a 11 ans, Naïva maintenant, qui a commencé à cuisiner, puis là, qui suit la recette, là, à la lettre. Tu sais, mais est-ce que j'en ai mis assez? Non, qui suit vraiment la recette à la lettre, comme moi quand je cuisine, je vous l'avoue. Donc, il remplit les critères. Mais Janie, qui a de l'expérience, elle s'inspire de la recette, elle l'adapte, la modifie, va chercher d'autres éléments de son expérience. Bien, en fait, l'excellence, telle qu'on va le voir dans le texte ce matin, là, l'excellence, c'est ça, c'est l'expérience d'accomplir quelque chose. Fait que dans le fond, moi, ce que j'ai vu dans le texte qu'on va regarder ce matin, puis que j'ai à cœur de vous partager, puis j'espère que ça va venir vous chercher dans votre quotidien, dans votre réalité personnelle, en fait, c'est que dans le texte, il y a trois applications concrètes. C'est comme trois niveaux. On peut creuser, il y a un premier niveau, hein, on peut lire le texte en premier niveau, trois applications concrètes, une première application, mais il y en a d'autres. Donc, ces applications-là démontre que aspirer à une œuvre excellente, c'est pas une liste de critères, c'est pas établir une loi, c'est désirer, aspirer l'accomplissement de l'œuvre de Dieu excellente dans notre vie. Fait que c'est là que je m'en vais. Mais je vous dis, j'ai du stock. Je vais essayer de structurer mon stock pour pas vous inonder. Donc, on est dans le livre de Timothée, 1 Timothée en particulier. Je remets le cadre ici, mais je me suis basé sur les notes de Christian qui a fait des recherches sur la chronologie, pardon, des livres du Nouveau Testament. Donc, on est après Jésus-Christ, 56 ans à peu près. La rédaction est probablement durant le déplacement de Paul vers la Macédoine et vise évidemment à fortifier la foi de Timothée dans l'exercice de son don pour les églises. Donc, les églises qui sont dans la région là, aujourd'hui de la Turquie. Donc, c'est ça le contexte. Mais en fait, ça s'applique tellement à toute église encore aujourd'hui. Donc, on va aller le lire. 16 versets. C'est pas si long que ça, 16 versets. Les derniers textes que j'avais attrapés étaient pas mal plus longs. Mais là, il y a de la viande, il y a du contenu. Donc, on va aller, donc je prends la parole de Dieu ici, 1 Timothée 3, verset 1. Je vous invite à prendre vos Bibles, si ce n'est pas déjà fait. Alors, cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une œuvre excellente. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme, sobre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement. Il faut qu'il ne soit ni adonné au vin, ni violent, mais indulgent, pacifique, désintéressé. Il faut qu'il dirige bien sa propre maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté. Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendrait-il soin de l'Église de Dieu? Il ne faut pas qu'il soit un nouveau converti, de peur qu'enflé d'orgueil, il ne tombe sous le jugement du diable. Il faut aussi qu'il reçoive un bon témoignage de ceux du dehors, afin de ne pas tomber dans l'opprobre et dans les pièges du diable. Petite pause ici. J'ai souligné en bleu en haut, aspire et désir. En fait, je veux juste positionner la définition ici. Aspire ici, le mot c'est oregomai, s'étendre dans le but de toucher ou atteindre quelque chose, aspirer à posséder. Donc c'est quelque chose vers quoi on vise. Okay? Désir, c'est le mot en grec, c'est epitoumeo, qui dit se tourner vers une chose. Puis en fait, la différence, l'aspiration va être quelque chose qu'on est capable d'observer de façon extérieure davantage. C'est un objectif déclaré, si on veut. Tandis qu'un désir, c'est comme plus une passion, une pulsion intérieure, quelque chose, un appel intérieur. Je mets ça en place, puis on va y revenir. Je reviens au texte, les derniers versets. Donc, on est rendu au verset 8. Les diacres aussi. Donc, on a parlé des évêques, maintenant on parle des diacres. Les diacres aussi doivent être honnêtes, éloignés de la duplicité, des excès du vin, d'un gain sordide, conservant le mystère de la foi dans une conscience pure, qu'on les éprouve d'abord et qu'ils exercent ensuite leur ministère s'ils sont sans reproche. Les femmes de même doivent être honnêtes, non médisantes, sobres, fidèles en toutes choses. Les diacres doivent être maris d'une seule femme et diriger bien leurs enfants et leur propre maison. Car ceux qui remplissent convenablement leur ministère s'acquièrent un rang honorable et une grande assurance dans la foi en Jésus-Christ. Je t'écris ces choses avec l'espérance d'aller bientôt vers toi, mais afin que tu saches, si je tarde, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'Église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Et sans contredit, Le mystère de la piété est grand, celui qui a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit, vu des anges, prêché aux gentils, cru dans le monde, élevé dans la gloire. Donc, 16 petits versets, on pourrait dire, c'est pas un trop gros texte, mais en fait, on peut en découler trois niveaux d'application, dont le premier, en fait, si on regarde vraiment le premier, est assez évident. On parle de comment identifier, reconnaître, je ne vais pas dire élire, là, ce n'est pas des élections présidentielles, donc reconnaître les évêques, diacres et diaconesses dans nos églises. Et donc, le verset 1 à 7 vise vraiment cette portion-là. Version 8 à 13 vise vraiment cette portion-là. Et si on résume les critères très simples et accessibles, pour les évêques, irréprochables, mariés d'une seule femme, donc un peu comme le pacte avec ses yeux, comme dans Job, c'est Job 31, là, si je ne m'abuse. Sobre et modéré, donc incluant non adonné au vin, si on parle de sobriété. Réglé dans sa conduite, incluant non violent, indulgent, pacifique. Donc c'est ça, donc une conduite exemplaire et on va dire bien avenante. Hospitalier, propre à l'enseignement, désintéressé, dirige bien sa propre maison, pas un nouveau converti. Et bon témoignage du dehors. Donc, du dehors, on parle ici en dehors de l'Église. Les diacres, honnêtes, loin de la duplicité, loin des excès du vin, loin d'un gain sordide, conscience pure. Donc, ici, ça recoupe l'enseignement par rapport à la prière que Gilles a fait la semaine passée. Donc, conscience pure, éprouvée et sans reproche d'abord. Au niveau des femmes, qui joue un rôle de diacre ou de diaconesse, donc honnête, non médisante, sobre, fidèle, les hommes, mariés d'une seule femme, bien dirigés, leur maison. Bien, rien que ça. Pas de problème. C'est simple, facile. Fait qu'on va passer les entrevues d'embauche cet après-midi. En fait, c'est une belle liste de critères. On va se le dire. Le premier niveau de lecture, la première application de ce texte-là, c'est une belle liste de critères. Et cette liste de critères-là pourrait être interprétée comme un examen. Hein, on aime ça, les examens. On est tout allé à l'école, fait qu'on aime ça, les examens, c'est clair, c'est précis. Mais est-ce que ça sert vraiment à ça? Puis moi, je vous dis, d'entrée de jeu, ça m'achalait. On a parlé avec les anciens vendredi matin. Là, moi, ça m'achalait. Juste le premier niveau, ça m'achalait. Mais il y a quand même un premier niveau ici, dans le verset 15, où je m'en vais. Dans le verset 15, le pourquoi de ces critères-là est exprimé. Hein, ça dit « afin que tu saches ». Donc, c'est Paul qui parle, donc Dieu qui parle à travers Paul, qui parle à Timothée, qui dit « C'est afin que tu saches comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'Église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. » Donc, c'est la colonne, c'est l'appui de la vérité. Si ça s'effondre, la vérité tombe. Donc, c'est important. Donc, les critères qui sont dictés ici sont des apprentissages, des applications au premier niveau. Et en fait, on retrouve un peu ces mêmes critères-là dans Acte 6. Je suis persuadé que vous en rappelez, là, c'est quand l'Église commence à grandir dans Acte et que là, il y a un problème à faire le service aux tables, puis en même temps à s'occuper de la parole, l'enseignement de la parole. Puis là, OK, il faut s'organiser, il faut se structurer. Quand ils se structurent, donc dans Acte 6, 1 à 4, ça dit « En ce temps-là, le nombre des disciples augmentant, les hellénistes murmurèrent contre les Hébreux parce que leur veuve était négligée dans la distribution qui se faisait chaque jour. » Donc, il y a une distribution alimentaire. Et là, ils n'y arrivent même plus. Là, ils n'ont plus la capacité de faire ça. Les 12, donc les 12 apôtres, convoquèrent la multitude des disciples et dirent « Il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. » Faut s'organiser, là. On ne peut pas délaisser l'enseignement de la parole. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous sept hommes de qui l'on... Là, on s'entend encore les mêmes ou presque les mêmes critères, de qui l'on rende un bon témoignage, qui soit plein d'Esprit Saint et de sagesse, et que nous chargerons de cet emploi. Et nous, nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. Ici, un point important, c'est qu'il soit plein d'Esprit Saint. Comment on mesure ça? Une seringue, Pierre? Bon. Comment on mesure ça? Plein d'Esprit Saint. C'est ça qui est intéressant, en fait. Ces critères-là sont des critères, OK? Mais comment on mesure ça? Si on poursuit aussi avec un autre passage que je vous ai mis ici, dans 1 Pierre 5, 1 à 4, voici les donc verset 1 dans 1 Pierre 5, voici les exhortations que j'adresse aux anciens qui sont parmi vous. Moi, ancien comme eux, témoin des souffrances de Christ et participant de la gloire qui doit être manifestée. Paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde, non par contrainte, mais volontairement. Selon Dieu, non pour un gain sordide, mais avec dévouement. Non comme dominant sur ceux qui vous sont échus en partage, mais en étant les modèles du troupeau. Donc, en fait, pour que la colonne soit solide, la colonne, de le pilier de la vérité, pour que ce soit solide, il faut que les individus qui sont positionnés dans ces rôles-là soient des modèles. Donc, en fait, comment on mesure l'Esprit Saint? C'est par observation. Mais là, c'est là que moi, je voyais un piège auquel je vais revenir. Sauf que si on garde cette première application-là concrète puis qu'on reste à ce premier niveau-là, bien, il y a quand même quelque chose d'intéressant à déterminer ou à définir par rapport à ça. Est-ce que vous connaissez le principe de Peter? Ça vous dit quelque chose, non? C'est dans le monde de... Dans le monde de la consultation, c'est un principe bien connu, qui est consultation, qui est mon métier, n'est-ce pas? Donc, dans le monde des organisations, en fait, le principe de Peter, c'est une analyse qui a été faite des organisations, comme quoi les gens, habituellement, lorsqu'ils sont promus, ils sont promus parce qu'ils sont bons dans ce qu'ils font. Donc, s'il y a un niveau, je suis bon, donc mon boss va dire, hey, super, fait que je te donne une promotion. Et donc, les gens sont promus sur la base de ce qu'ils sont bons à faire jusqu'à temps qu'ils soient plus bons. Et là, il stoppe là. Ce qui fait qu'au bout d'un certain temps, selon le principe de Peter, je ne dis pas que c'est un principe de sagesse, là, mais je dis juste une observation dans les organisations, au bout d'un certain temps, ça veut dire que tous les hauts niveaux sont incompétents. C'est ça le principe de Peter. Donc, en fait, si on évalue selon nos critères humains, et là, je nous repositionne dans le contexte de Timothée qui établit les églises en Turquie, s'il ne reçoit pas la lettre qui est de Dieu, de Paul, le réflexe de ces églises-là vont probablement être de se structurer selon des critères humains, très terre-à-terre. La puissance, la force, la capacité charismatique à diriger des foules. Tandis que, ici, Dieu nous donne les critères selon son cœur pour établir les leaders dans les églises. Ce n'est pas sans rappeler Saül et David. Israël demande un roi. On retourne plutôt dans la Genèse, n'est-ce pas? Israël demande un roi et là, Dieu dit, « Parfait, je vais vous donner un roi selon vos critères. » Saül. Donc, Saül qui est fort, puissant, qui est grand, qui est charismatique, imposant. Et puis, on sait où ça nous mène. Ensuite, Dieu dit, « Je vais vous donner un roi selon mes critères. » David, qui a totalement foi en lui. Donc ici, c'est vraiment une question de foi. Puis, je sais que je vous lis beaucoup de passages, là, mais je ne peux pas résister à la tentation de vous amener dans Hébreux 11, où on parle particulièrement de la foi au niveau des patriarches. Donc, Hébreux 11, 1 dit, « Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. » Je passe quelques versets et je m'en vais au verset 13. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu les choses promises, mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie. S'ils avaient eu en vue celle d'où ils étaient sortis, donc terrestres, ils auraient eu le temps d'y retourner. Mais maintenant, ils en désirent. Là, le mot « désir » est le même que « aspiration » dans le texte de Timothée. Mais maintenant, ils en désirent une meilleure, c'est-à-dire une céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. Donc ici, on parle, même au premier niveau, même quand on regarde le texte au premier niveau, on voit une liste de critères. Ce n'est pas une liste de critères d'évaluation. C'est une liste d'éléments que Dieu nous donne afin d'être capable d'observer et de reconnaître que quelqu'un, que Dieu opère grâce à la foi de quelqu'un, son œuvre dans la vie de quelqu'un. Ce sont des éléments qui nous permettent d'observer que la foi de quelqu'un, l'Esprit de Dieu, est en œuvre dans la vie de quelqu'un. Et donc, nous permettant de reconnaître qui est à même d'être un modèle selon ce que Dieu dit qu'il désire pour son Église, et donc amener toute l'Église vers Christ. Je vous avais dit qu'il y a un élément qui me dérangeait. On y arrive. C'est qu'en fait, même si on apprend à observer, non pas à juger, hein, on dit que ce n'est pas un examen, mais c'est plus quelque chose qui me permet d'observer. Ah, effectivement, je vois la foi de quelqu'un. Je vois l'Esprit de Dieu. Je le mesure grâce à mes observations sur le comportement d'un individu dans l'Église. Même si on se positionne de cette façon-là, bien, le piège est quand même que je me mets sur les lignes du côté puis j'observe mon prochain. Je ne suis pas actif, je ne suis pas impliqué. Je suis sur les lignes de côté, en dehors de la situation. Puis il n'y a pas de jugement, je ne suis pas en train de passer un examen, mais je suis un observateur. Je ne suis pas dans l'action. Donc, c'est ça qui me dérangeait. C'est trop facile de dire, bien, je me mets en dehors pour observer l'intérieur. Mais qui est dans l'Église? Qui fait partie du corps de Christ? Dans Romains 12, ça dit, Romains 12, 3, « Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Car comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps, et que tous les membres n'ont pas la même fonction. » Donc, effectivement, certains membres du corps ont différentes fonctions. « Ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ, et nous sommes tous membres les uns des autres, puisque nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été accordée. » Donc, ici, il y a une notion de « tous ». Et ça nous amène au deuxième, et je dirais même au troisième niveau. C'est qu'on regarde le texte et l'application au premier niveau, ça nous permet d'observer avec la sagesse, la perspective de Dieu, de discerner avec la perspective de Dieu, qui est à même de jouer un rôle de responsabilité dans son Église, dans l'Église de Dieu. Mais ça nous amène aussi à réfléchir à le deuxième niveau d'application, c'est « OK, mais quelle est ma participation dans la chose aussi? » Est-ce que ces critères-là, là, qui sont pour les évêques et diacres, ne s'appliquent qu'à eux? Est-ce qu'un corps peut être divisé en lui-même? En fait, c'est là où moi, je voyais un deuxième niveau d'application. C'est qu'effectivement, ça s'applique à observer avec la perspective, le discernement que Dieu nous donne, qui peut être dans un rôle de responsabilité, mais aussi comment moi, je peux participer à son Église, selon son cœur, selon le cœur de Dieu. Dans l'Apocalypse, ça dit, au tout début de l'Apocalypse, le début du livre de l'Apocalypse, qui dit « De la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu son Père. » Donc, la finalité pour chacun des membres de l'Église, c'est des sacrificateurs pour Dieu son Père. Est-ce que vous aspirez à ce rôle-là aujourd'hui? Est-ce que vos désirs se tournent vers ce rôle-là? Dans la version Louis II, là, le verset 16 dit « Sans contredit, le mystère de la piété est grand. » Le mystère de la piété, ici, c'est la définition de piété. Le mot, c'est « eusebia », puis « eusebia ». Excusez-moi, mon grec n'est pas très bien prononcé. « Révérence, respect, piété envers Dieu. » Dans la version Sommaire, intéressant, c'est différent. Voici ce que nous reconnaissons ensemble. Je vous lis le verset 16 dans la version sommaire. Voici ce que nous reconnaissons ensemble. Il est grand, le secret du plan de Dieu, le Christ qui fait l'objet de notre foi. Donc ici, Jésus est le plan de Dieu pour chacun des membres de son corps, du corps de Christ. Jésus est le souverain sacrificateur, comme je vous le disais tout à l'heure, qu'on lisait dans l'Apocalypse. Donc c'est à la fois l'exemple à suivre et la finalité. Le commencement et la fin, l'alpha et l'oméga. Donc, dans la participation de chacun, ici je vous mets une petite caricature sur la ponctualité et l'efficacité dans une réunion, on voit qu'il pose problème, mais en fait c'est une image comique pour vous rappeler c'est quoi l'agenda, hein, c'est quoi l'ordre du jour de votre participation à tout un chacun dans l'Église. Les critères que Dieu donne pour comprendre son cœur et discerner avec son cœur un rôle de responsabilité dans l'Église sont aussi les mêmes critères sur lesquels il nous pointe en nous donnant le modèle ultime qui est bon pour chacun, Jésus. Et puis, on nous parle dans Philippiens, là, j'aurais pu prendre tout le livre de Philippiens, ça aurait été un petit peu intense ce matin, mais je vais faire quelques extraits dans Philippiens qui parlent beaucoup de cette notion-là. Philippiens 1, 27. « Seulement, conduisez-vous d'une manière digne de l'Évangile de Christ. » La manière digne, c'est quoi? Mais c'est les mêmes observations qu'on nous donne dans 1 Timothée 3. Les mêmes observations. Philippiens 2, 14 nous dit « Faites toutes choses sans murmure ni hésitation, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles. » Exactement le même mot « irréprochable » qu'on avait tout à l'heure dans 1 Timothée 3. Et tout ça vers la finalité qu'on nous explique aussi dans Philippiens. Philippiens 1, 6, un passage que j'affectionne particulièrement. « Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. » Quand on parle d'excellence, qu'on parle de perfection, c'est cette perfection-là, c'est la perfection de Jésus. C'est le modèle de Jésus. Donc, en fait, le deuxième niveau d'application, la deuxième application qu'on peut lire dans le texte de 1 Timothée 3, quand on lit ça, c'est de dire, bien, est-ce que c'est à ça que moi j'aspire dans ma participation à l'Église? Et dans Philippiens 3, 12, on parle aussi de la finalité. Hein, c'est Paul qui dit « Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. » Donc le modèle, la cible pour chacun des membres de l'Église, c'est Jésus. Bien sûr que premier niveau d'application, on peut reconnaître que certains, dans leur course, dans leur but, sont plus proches et donc leur donner la responsabilité d'accompagner les autres dans le fait d'aller vers le même objectif. Mais au final, le modèle, l'objectif est le même. J'aurais pu m'arrêter là. Deux applications, c'est bien assez. Hein? Je suis sûr que là, vous êtes inondés de versets de toute façon. Mais ce serait mal me connaître. Il y a un troisième niveau. Une troisième application, qui là était plus une réflexion personnelle que je vous partage. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, mais si on remplace charge d'évêque par ce qu'on disait tout à l'heure, la maison de Dieu, l'Église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité, c'est que quelqu'un aspire, si vous aspirez à ça, vous aspirez à l'œuvre de Dieu dans votre vie, dans votre cœur. Vous désirez une œuvre excellente, y compris dans les décisions au jour le jour, y compris dans les réflexions par rapport à mes décisions dans ma vie. Donc, si on revient à mon passage d'introduction, en fait, on revient au livre de Galates que j'ai cité dans l'introduction, particulièrement Galates 5, 16. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit en a des contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Puis c'est ce troisième niveau-là qui m'a fait beaucoup réfléchir parce que c'est une chose de reconnaître un leader dans l'Église, c'est une chose de participer à l'Église. C'en est encore une autre, encore plus profonde, de reconnaître que mon corps, mes désirs charnels, mes aspirations, du corps, du charnel, est constamment en opposition avec le désir de l'esprit, les aspirations de l'esprit qui est en moi. Et donc, le corps lutte contre le fait d'être irréprochable, irrépréhensible, mari d'une seule femme, sobre et modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement, désintéressé, dirige bien sa propre maison. Donc, si on dit que tous ces critères-là sont applicables à chaque membre du corps de Christ et qu'on établit que le corps lutte contre ça, ça veut dire qu'on doit toujours être vigilant. Dans tout ce qu'on vit, dans tout ce qu'on fait, à tous les jours. Est-ce que ça vous arrive de dire, en tout cas, on entend ça des fois peut-être dans d'autres groupes, mais est-ce que ça vous arrive de dire, Dieu veut ceci pour moi, j'accomplis la volonté de Dieu en faisant ci ou en faisant ça. Hein, je veux déménager, Dieu veut que je déménage, il veut que j'accepte tel poste, il veut que je réalise tel changement. Pour les mêmes raisons que tout à l'heure, on disait, comment je mesure l'œuvre de l'esprit ou le fait que je suis rempli d'esprit? Comment on mesure ça chez quelqu'un? Comment on peut savoir que c'est la volonté de Dieu? Même Paul expérimente la chose dans 1 Corinthiens 1,15. Puis Paul, on s'entend qu'il avait expérimenté la chose. Là. Paul, c'est comme Janie qui cuisine, expérimenté. Donc, 1 Corinthiens 1,15 dit « Dans cette persuasion, je voulais aller d'abord vers vous afin que vous eussiez une double grâce. Je voulais passer chez vous pour me rendre en Macédoine puis revenir de la Macédoine chez vous et vous m'auriez fait accompagner en Judée. » Là, c'est là son questionnement. « Est-ce que, voulant cela, j'ai donc usé de légèreté ou bien mes résolutions sont-elles des résolutions selon la chair, de sorte qu'il y ait en moi le oui et le non? » Et là, la réponse, aussi vrai que Dieu est fidèle, la parole que nous vous avons adressée n'a pas été oui et non. Car le Fils de Dieu, Jésus-Christ, qui a été prêché par nous au milieu de vous, par moi et par Sylvain et par Timothée, intéressant que Timothée soit dans cette histoire-là aussi, n'a pas été oui et non, mais c'est oui qui a été en lui. Donc, on voit que même Paul expérimenté vit ce, je vais l'appeler un tiraillement, entre les désirs charnels et les désirs de l'esprit. Et donc, c'est la troisième application. C'est les critères que Dieu nous donne pour observer la reconnaissance de leader dans l'Église sont aussi des critères sur comment chacun participe au corps de Christ et aussi des critères d'observation de est-ce que c'est vraiment ça que Dieu veut dans la vie de chacun. Et donc, après vous avoir inondé de versets, je conclus donc avec les trois applications, ou les trois niveaux d'application. Donc, ici, dans 1 Timothée 3, Dieu nous montre à discerner avec sa perspective, pas nos critères humains terrestres, terre à terre, pas avec ce qu'on voit dans le monde, qu'on observe comme étant des exemples de leadership ou de participation active. Non, Dieu nous donne son discernement, sa perspective pour structurer son Église selon son cœur, pour participer à son Église selon son cœur et pour que chacune de vos aspirations, vos désirs, soit selon son cœur. Et ce que je vous exhorte, en fait, c'est, ici, on parle du corps de Christ. Mais pour vos désirs, vos aspirations personnelles, si vous dites, ouais, mais qu'est-ce que je fais? Mais parlez-en. Le corps de Christ est là pour ça. C'est comme ça que l'Esprit œuvre. Et je vous laisse avec un dernier passage encourageant, parce qu'il faut s'encourager, se booster un peu pour la semaine. Romains 8, 26. De même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment l'Éternel, Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. On connaît bien ce passage-là. Donc, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qui l'a connu d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Donc, restons vigilants. Et merci Seigneur, tout est accompli.